الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه أما بعد نكمل الإكسبلاسيون دو ليف ربما الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدام المقدسي et une explication de Cheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan qu'Allah le préserve. Donc la semaine dernière on avait terminé de parler de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la vision des croyants à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement et au paradis. Et on avait cité les différents hadiths à ce sujet et les différentes preuves également dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et parmi ces preuves est le fait que les non-musulmans seront privés de la vision d'Allah azza wa jal, et ceci est une preuve en soi que les croyants, eux, ne seront pas privés de cette vision, car s'ils étaient eux aussi privés, ils seraient égaux sur ce point aux non-musulmans, et Allah azza wa jal a clairement fait une différence entre les musulmans et les non-musulmans. Puis l'imam ibn Qudam al-Maqdisi ouvre le chapitre de la croyance au destin. فصل في الإيمان بالقدر ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته. Et parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il fait ce qu'il veut. Rien ne peut exister sans sa volonté. قال الشيخ الفوزان هذا دخول في صفة ثانية من صفات الله وهي القضاء والقدر وأن الله قضى وقدر كل ما يقع في هذا الكون من أوله إلى آخره لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى كل شيء بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده وذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا دليل على أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة ومن أصول الإيمان فمن جحده جحد ركنا من أركان الإيمان وأصلا من أصول الإيمان. Cheikh Al-Fawzan dit que l'auteur entre maintenant, après avoir parlé de l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il entre maintenant dans, où il expose l'autre attribut d'Allah azza wa jal qui est l'attribut de l'qada wal-qadar, l'attribut de la destinée et du décret. Qui connaît la différence entre le qada et le qadar? Quelle est la différence entre le qada que moi je traduirais par le décret et le qadar que je traduirais par le destin? Il y en a une qui ne peut pas bouger. Ceux qui veulent répondre, lève sa main, je pense. Non, il y en a une qui ne peut pas être décrétée, alors qu'elle ne bougera pas. Il y en a une qui peut changer par les doigts. Non, c'est pas ça la différence. Les choses qui arrivent vers toi et les choses que tu fais là. Les actions qui arrivent vers toi, ce destin-là, et les actions qui arrivent vers toi, et ce que tu vas faire. Non. Là, c'est quand ça a été écrit, quand ça a été décrété, c'est quand ça. C'est survenu en fait. Non, Hassan, c'est ça. Hassan. Al-Qadra. Al-Qadra, c'est le décret, c'est-à-dire, c'est le décret d'Allah Azza wa Jal au moment où ce qu'il a prédestiné arrive. Et Al-Qadar, la destinée ou la prédestination, c'est ce qui a été écrit auparavant. Donc Allah Azza wa Jal a écrit auparavant tout ce qui va avoir lieu dans cet univers. Et au moment où cette chose va avoir lieu, c'est là où on parle de Al-Qadar, du décret. Donc Al-Qadar, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété, ce qu'il a toujours su, car Allah Azza wa Jal, sa science n'a ni début ni fin. Comme Allah Azza wa Jal n'a ni début ni fin, sa science n'a ni début ni fin. Allah Azza wa Jal a toujours su et il saura toujours ce que ces créatures font, quand ils le feront, à quel moment elles le feront. Et c'est là où on parle de prédestination, c'est-à-dire que cela a été écrit bien avant, et cela a été prédestiné par Allah Azza wa Jal bien avant. Et au moment où le fait prédestiné arrive, c'est là où on parle de décret d'Allah. C'est là où on parle de Al-Qadha. Et certains savants disent qu'il n'y a pas de différence entre Al-Qadha et Al-Qadha. Que Al-Qadha et Al-Qadha signifient la même chose. Signifient la prédestination. Et d'autres savants ont dit que Al-Qadha et Al-Qadha, c'est comme Al-Iman et Al-Islam. Quand ils sont cités l'un à côté de l'autre, chacun veut dire quelque chose de précis. Al-Qadha qui est la prédestination auparavant, et Al-Qadha qui est le décret, c'est-à-dire au moment où la chose arrive. Et lorsqu'ils sont cités séparément, ils veulent dire la même chose. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Donc, l'attribut de la prédestination appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a prédestiné tout ce qui va avoir lieu, ou tout ce qui a lieu, tout ce qui a eu lieu, tout ce qui aura lieu dans cet univers depuis le début de sa création jusqu'à la fin de la création, c'est-à-dire de cet univers. Et cela veut dire aussi qu'il n'y a rien dans le royaume d'Allah Azza wa Jalla qui a lieu sans qu'il ne le veuille. Toute chose a lieu par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa volonté et par sa création. C'est-à-dire que tout ce qui a lieu a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de croire à la prédestinée est un pilier de la foi. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, ceci est une preuve que la croyance en la prédestination fait partie des six piliers de la foi, et que celui qui renie la croyance en la prédestination a renié un des piliers de la foi, wal'iyadu billah. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى أن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. والمرتبة الثانية أنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما يكون إلى أن تقوم الساعة. الأمر الثالث أنه لا يكون في هذا الكون من إيجاد شيء أو هلاك شيء من إيجاد شيء أو هلاك شيء أو موت أو حياة أو وجود أو عدم إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. فإذا أراد شيئا كان، كما قال الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يكون في هذا الكون من حياة أو موت أو خير أو شر أو مرض أو صحة أو خصب أو جدب أو غير ذلك إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد. Et le fait de croire, ou la croyance au destin et à la prédestination implique 4 degrés. Et pour croire en la prédestination, il y a 4 choses qu'il faut prendre en compte et qu'il faut connaître. La première chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui a eu lieu, ce qui va avoir lieu. Il l'a su dans sa science subhanahu wa ta'ala qui n'a ni début ni fin. Donc le premier pilier de la foi en la prédestination, c'est de croire et d'avoir la foi et d'être convaincu qu'Allah Azza wa Jal sait tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Et Allah Azza wa Jalla l'a toujours su. Il n'y a pas de moment d'ignorance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Allah Azza wa Jalla, parmi ses attributs, il y a l'attribut de la science, al-ilm. On ne parle pas de ma'rifa concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle est la différence entre al-ilm et al-ma'rifa? Entre al-ilm et al-ma'rifa? Les savants disent qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas parler de ma'rifa vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, car al-ma'rifa, c'est ce qui est précédé d'ignorance. C'est ce qui est précédé d'ignorance. Lorsque tu apprends quelque chose, tu ne le savais pas, puis tu l'as su. Là, on parle de ma'rifa. Et la science, non. Elle n'est pas forcément précédée d'ignorance. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal en a fait un de ses attributs. Donc Allah Azza wa Jal a toujours su. Allah Azza wa Jal n'a ni début ni fin. Il ne ressemble en rien en ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Donc la science est le premier des piliers de la croyance au destin. Le deuxième point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ceci, c'est-à-dire tout ce qui a eu lieu, tout ce qui a lieu et tout ce qui aura lieu, Allah Azza wa Jalla l'a écrit dans les planches préservées, dans lesquelles sont inscrits tout ce qui va se produire, et ceci jusqu'à l'arrivée de l'heure. Donc, le premier pilier, c'est la science. Le deuxième, c'est l'écriture. Le troisième point, c'est que rien ne peut exister. Rien ne peut disparaître. Toute mort, toute vie, toute existence n'a lieu que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il veut quelque chose, cette chose a lieu, comme il le dit Azza wa Jal, son commandement, lorsqu'il désire une chose, c'est de dire soit et elle est. Rien donc ne peut avoir lieu dans cet univers, que ce soit une vie, une mort, un bien, un mal, une maladie, une bonne santé ou toute autre chose, sans que Allah Azza wa Jal ne le veuille, sans que cela ne soit précédé de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, il ne peut rien se passer sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le veuille. Donc c'est al-irada. La science, l'écriture et la volonté. Al-amr al-rabi' annahu idha arada shay'an wa sha'a khalaqahu wa awjadah. فلا يكون في هذا الكون إلا ما خلقه الله وأوجده كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فهو المنفرد بالخلق والإيجاد وقال سبحانه والله خلقكم وما تعملون فأعمال العباد من جملة الأشياء التي يخلقها الله سبحانه وتعالى علمها علمها وكتبها وشاءها وأرادها وخلقها وأوجدها في مواقيتها التي شاءها الله سبحانه وتعالى فهي أفعال العباد فعلوها بإرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم وهي خلق الله جل وعلا وإيجاده وهذا هو ملخص الإيمان بالقضاء والقدر وأنه لا بد من هذه الأربع مراتب قال تعالى إن الله يفعل ما يريد وقال سبحانه لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال سبحانه وتعالى في سورة البروج فعال لما يريد فإذا أراد شيئا فعله أو جده لا يمتنع عليه شيء لأنه فعال لما يريد أما المخلوق فقد يريد شيئا لكن لا يستطيع أن يفعله أما الله جل وعلا فإنه فعال لما يريد وهذا عام في كل ما في هذا الكون أنه بإرادة الله وأنه فعل الله جل وعلا الله خالق كل شيء. Le quatrième point, c'est que lorsqu'Allah Azzawajal désire une chose et veut une chose, il la crée et fait en sorte qu'elle existe. Il n'y a donc dans cet univers que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister et a créé. Comme il le dit, subhanahu, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toute chose. Toute chose englobe tout. Tout ce que tu vois dans cet univers est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit également, Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites, ainsi que vos actes. Donc, les actes des serviteurs font partie de ces choses qui ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala, de ces choses qui ont été connues par Allah Azza wa Jalla, des choses qui ont été écrites, des choses qu'Allah Azza wa Jalla a voulu, qu'il a désiré, et qu'il a créé et qu'il a fait exister, subhanahu wa ta'ala. Ce sont les actes des serviteurs. Ils ont fait ces actes de leur propre chef, de leur propre volonté, mais ces actes restent les créations d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les actes que l'on fait, que ce soit les prières, les actes d'adoration ou autres, tout est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que ce soit la création d'Allah azza wa jal, est-ce que cela veut dire que l'être humain n'a pas de volonté? Non. L'être humain a sa volonté, a son libre arbitre. Tout ce qu'il fait, de manger, de boire, de dormir, de prier, de jeûner, etc., etc., tout ceci, il le fait de son propre chef. Mais tout ceci aussi fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'il fait était connu d'Allah azza wa jal, a toujours été connu d'Allah azza wa jal. Et tout ce qu'il fait a été écrit dans les planches préservées. Et tout ce qu'il fait, Allah azza wa jal a voulu aussi, ou a autorisé qu'il le fasse. D'accord ? Donc ce sont les... Comme le dit Cheikh Fawzan, c'est un résumé de la croyance au destin et qu'il faut absolument prendre en compte ces quatre piliers. Le premier qui est la science, le deuxième qui est l'écriture, le troisième qui est la volonté et le quatrième qui est la création, al-khalq. Allah Azza wa Jalla dit « Inna Allah yaf'alu ma yurid » Allah fait tout ce qu'il veut. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, et si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué, mais Allah fait ce qu'il veut. Et il dit aussi, dans Surat al-Buruj, fa'alun lima yurid, celui qui fait toujours ce qu'il veut. Lorsqu'Allah azza wa jal veut une chose, il fait en sorte de la créer. Personne ne peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de créer quoi que ce soit, car c'est le seul subhanahu wa ta'ala qui peut faire tout ce qu'il veut, contrairement à ces créatures qui, elles, ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent. Combien de projets avons-nous, combien de désirs avons-nous, combien de, yani de, comment dire, de rêves avons-nous, mais est-ce que ces rêves vont être exaucés? Est-ce qu'on a la possibilité de faire de ces rêves des réalités? Non, on peut, certains, mais pas tous. Quant à Allah Azza wa Jalla, il est capable de, ou il fait, et il fait absolument tout ce qu'il veut, Azza wa Jalla. ثم قال المؤلف ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا بتدبيره ولا محيل لأحد عن القدر والمقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. Rien ne sort de la volonté d'Allah. Comme le dit l'imam de Qudama, rien ne sort de la volonté d'Allah. Il n'y a rien dans ce monde qui sort de la prédestination. Et rien n'a lieu sans son commandement. personne ne peut échapper à la prédestination et à ce qui a été prédestiné. Et rien ne peut différer de ce qui a été écrit dans les planches préservées. قال الشيخ الفوزان كل مخلوق فإنه لا بد أن يقع ما قدره الله عليه من خير أو شر من صلاح أو فساد من كفر وإيمان من طاعة ومعصية هذا في الأفعال وكذلك الأقدار التي تجري عليهم بغير اختيارهم مثل المرض والصحة والغنى والفقر هذه بغير مشيئتهم وغير إرادتهم وإنما هي من الله سبحانه وتعالى أما أفعالهم فإنها بمشيئتهم وإرادتهم هم يفعلونها وهم يتركونها وهم يحبونها وهم يحبونها وهم يبغضونها وهم يريدونها فهي بإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم واختيارهم ولا يمنع أن يكون هذا خلق الله جل وعلا خلقهم وخلق قدرتهم وخلق مشيئتهم وخلق إرادتهم وخلق أفعالهم. Donc tout ce qui est créé est soumis à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise, que ce soit un bien ou un mal, que ce soit une mécréance ou une croyance, que ce soit une obéissance ou une désobéissance, ceci dans les actes. Quant aux choses qui sont prédestinées et qui ont lieu sans le libre arbitre de ces créatures, comme la maladie, comme la bonne santé, comme la richesse, comme la pauvreté, ceci a lieu sans leur volonté et sans leur prédestination, mais cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à leurs actes, c'est-à-dire les actes de ces créatures, elles ont lieu par leur volonté, par leur désir. Ce sont eux qui font leurs actes et ce sont eux qui délaissent les actes. Ce sont eux qui aiment ces actes et ce sont eux qui détestent ces actes. Ils font donc ce qu'ils font de leur propre chef, de leur propre libre arbitre, et c'est leur choix. Et cela n'empêche pas que leurs actes sont une créature ou sont la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est Allah azza wa jalla qui a créé leur puissance, leur force. C'est Allah azza wa jalla qui a créé leur volonté et leur désir, et c'est aussi Allah azza wa jalla qui a créé leurs actes. C'est clair ou c'est ambigu? Hein? C'est ambigu. Attends, qu'est-ce qui est ambigu? Que tout est décrété, le bien et le mal. Non? Le mal, c'est notre libre arbitre. Mais c'est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Non. J'arrive pas à vous. Yanni, il faut revenir aux quatre. Aux quatre piliers de la foi en la prédestination. Donc, lorsqu'un serviteur fait un acte, cet acte est connu d'Allah, a toujours été connu d'Allah. Cet acte a été écrit. Cet acte a été voulu par Allah et cet acte a été créé par Allah. Que c'est connu, personne ne le nie. C'est compréhensible. Que c'est écrit, personne ne le nie, c'est compréhensible. Que ce soit créé par Allah, personne ne le nie, c'est compréhensible. Mais là où beaucoup de gens ont des ambiguïtés, c'est sur la volonté d'Allah. C'est qu'Allah l'a voulu. Est-ce que le fait qu'Allah veuille, cela veut dire que l'être humain ne veut pas et n'a pas de libre arbitre? Et pour enlever l'ambiguïté que tu as, il faut que tu saches que la volonté d'Allah se divise en deux. Il y a l'iradatul kawniya ou l'iradatul al-shar'iyya. C'est ce qu'on va voir par la suite. Il y a la volonté universelle et il y a la volonté juridique d'Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté universelle, c'est-à-dire que rien n'a lieu dans ce monde, dans cet univers, sans qu'Allah ne le veuille. Et c'est logique. Allah azza wa jalla, n'est-ce pas lui qui gouverne l'univers? Comment est-ce que quelque chose peut se passer dans cet univers sans que son gouverneur ne le veuille pas? Donc il y a la volonté universelle qui englobe toute chose, c'est-à-dire que tout ce qui a lieu dans ce dans cet univers de bien, de mal, de bon, de mauvais, a lieu par la volonté universelle d'Allah Azza wa Jalla, car rien ne sort de son pouvoir. Et il y a la volonté juridique. Il y a la volonté juridique qui est l'iradatu shar'iyya. Cette volonté d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla aime pour ses serviteurs la croyance et il déteste la mécréance. Il aime pour ses serviteurs l'obéissance et il déteste pour ses serviteurs la désobéissance. Ça, c'est l'iradatu shar'iyya. Maintenant, une personne qui commet un péché. Ce péché-là, il entre dans quelle volonté d'Allah Azza wa Jal? Non? La désobéissance, elle entre dans quelle volonté d'Allah Azza wa Jal? C'est-à-dire, cet homme qui a fait ce péché, il l'a fait par quelle volonté d'Allah Azza wa Jal? Par la volonté universelle ou la volonté juridique? Hein? Non, par la volonté universelle. C'est la volonté d'Allah Azza wa Jal dans laquelle les choses autorisées et les choses non autorisées sont possibles. D'accord? Mais Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il a voulu que cet homme, est-ce qu'il veut que cet homme lui désobéisse? Non. Allah Azza wa Jal ne veut pas. Mais il lui a permis, par sa volonté universelle, parce qu'il lui a donné le choix. Il a donné à ce serviteur la possibilité de lui désobéir par sa volonté universelle parce qu'il lui a donné le choix. C'est ça que l'Azza wa Jalla a dit فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Alors que l'Azza wa Jalla dit dans l'autre verset وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Mais il n'aime pas pour ses serviteurs là mécréance. Et dans l'autre verset, il dit, celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui ne veut mécroire, qu'il mécroit. Et pour cela que, lorsqu'on a posé la question à Cheikh Labani, rahimahullah, comment est-ce que, dans l'univers, il peut y avoir des choses qu'Allah déteste? Comment vous répondez à cette question? Non? Comment est-ce que oui, Allah Azza wa Jal n'aime pas pour ses serviteurs la mécréance? Comment est-ce que sur terre il y a de la mécréance? Comment le gouverneur de l'univers fait en sorte qu'il y ait des choses qu'il n'aime pas? Il a voulu, il n'aime pas. Non? Pourquoi est-ce que dans l'univers il y a des choses qu'Allah déteste? Non? Non. La première réponse, c'est quoi? Parce qu'il a donné à ses serviteurs le libre choix. Parce qu'il a donné à ses serviteurs le libre choix. Il a donné aux êtres humains le libre arbitre de choisir. Non. Justement, en fait, si tout est décrété par Allah subhanahu, ça veut dire si demain je prends une arme et je tire. Est-ce que ça s'est décrété ou alors ça fait partie du libre arbitre, sachant qu'il n'est pas le mal? C'est décrété et c'est le libre arbitre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le libre arbitre ne sort jamais de la volonté d'Allah. On peut pas aller à l'encontre. Le fait que tu tues quelqu'un, tu l'as fait parce qu'Allah t'a autorisé de le faire. Mais Allah Azza wa Jalla t'a autorisé de la faire. De quelle volonté? Est-ce que c'est la volonté juridique ou la volonté universelle? Universelle. Parce que rien ne peut avoir lieu dans cet univers sans qu'Allah ne le veuille. D'accord? Et le fait que cet homme a tué l'autre, Allah Azza wa Jalla l'a voulu par sa volonté universelle, mais il ne veut pas ou il n'accepte pas et il n'aime pas cet acte par sa volonté juridique. C'est-à-dire qu'il a dit à son serviteur, ne fais pas, mais aussi, je te laisse le libre choix. Si tu veux faire, fais. Si tu ne veux pas, ne fais pas. Dans tous les cas, soit tu seras récompensé, soit tu seras châtié. C'est clair, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Hein? Il n'y a plus d'ambiguïté, ça y est? Ça y est. Donc, on en était où? Donc les actes des êtres humains et des créatures d'Allah Azzawajal, ce sont eux qui ont le libre choix, le libre arbitre. Ce sont eux qui veulent faire quelque chose et ce sont eux également qui désirent délaisser cette chose. Lorsque tu ne fais pas la prière, c'est toi qui as décidé de ne pas faire la prière. Lorsque tu fais la prière, c'est toi qui as décidé de faire cette prière. Pour cela qu'il est interdit de se justifier par le destin. Pour cela qu'il est interdit de justifier une désobéissance par le destin. En disant de toute façon, moi je ne prie pas, c'est Allah qui m'a prédestiné cela. Qu'est-ce que vous lui répondez à cette personne ? Jerry, qu'est-ce que tu... De toute façon, je ne fais pas la prière, c'était écrit depuis longtemps que je n'allais pas faire la prière. Je ne sais pas si c'était écrit là. Et ça, c'est destiné, je ne sais pas. Non ? Je ne sais pas si c'est... Mais lui va te dire, pourquoi est-ce que tu m'en veux ? Pourquoi est-ce que tu me reproches quelque chose qu'Allah m'a déjà prédestiné ? Tu lui réponds quoi ? Moi, je ne fais pas la prière, c'est vrai, après, voir. Je comprends et tout, j'ai envie de la faire, mais je ne la fais pas. Mais je ne veux pas que tu me juges. Parce que Allah, il avait déjà écrit que je n'allais pas prier. Tu l'avais prédestiné, mais tu avais le libre arbitre. Non ? Tu l'as prédestiné, mais tu avais le libre arbitre. Il sait que j'allais le faire, mais il t'a laissé le faire ou le faire. Non. Et la réponse qu'il faut lui dire, c'est est-ce que c'est toi qui as voulu ou pas ? Est-ce qu'Allah veut que tu fasses la prière ou il ne veut pas que tu fasses la prière ? La réponse, c'est quoi ? Allah veut que tu fasses la prière. Mais plus, Allah t'ordonne de faire la prière. Maintenant, toi, tu ne fais pas la prière. Qui a voulu ne pas la faire ? Est-ce toi ou Allah ? C'est toi. Toi, tu as eu la volonté et le libre arbitre et tu as choisi de ne pas la faire et Allah, par sa volonté universelle, t'a permis de ne pas la faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il aime plutôt. Il déteste. Mais il t'a permis par sa volonté universelle, car rien ne sort de la volonté d'Allah et de son décret. Rien ne sort. Mais Allah Azza wa Jal n'aime pas qu'on lui désobéisse. Thumma qala al-mu'allif عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه عفوا جميعا لا أطاعوه أراد الله عز وجل وعلا ما العالم فاعلوه لا يخرج شيء عن إرادته سبحانه وتعالى في هذا في الإرادة الكونية العامة لكل شيء الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية أما الإرادة الشرعية فإنها إنما تختص بالطاعات فقط ولهذا يقول سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فالإرادة نوعان إرادة كونية وهذه يدخل فيها كل شيء من الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان كل ذلك أراده الله كونا أما النوع الثاني وهي الإرادة الدينية الشرعية فهذه إنما تكون للطاعات والأعمال الصالحة وقد تقع وقد لا تقع الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع فالله أراد شرعا من الكافر أن يسلم ولكنه لم يسلم ما وقع ما أراد منه دينا وأراد الله الإيمان من جميع الناس ولكن المؤمن أطاع والكافر عصى فالإرادة الكونية لا بد من وقوعها وأما الإرادة الدينية فقد تقع وقد لا تقع حسب مشيئة الله ورحمته. Puis l'auteur a dit, et la croyance des gens de la Sunna et de Al-Jama'a concernant les actes des serviteurs, il dit أراد ما العالم فاعله, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a voulu ce que le monde fait. Qu'Allah Azza wa Jal a voulu ce que le monde fait. Et Cheikh Al-Fawzan dit, Hafidahullah, qu'Allah Azza wa Jal a voulu ce que le monde fait. C'est-à-dire que rien ne sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie de la, ou ceci dans la volonté universelle. La volonté générale qui englobe toutes choses, le bien et le mal, la mécréance, la croyance, l'obéissance et la désobéissance. C'est clair? Pour l'irada al-kawniya, la volonté universelle. Amma l'irada al-shar'iyya, فإنها تختص بالطاعات فقط. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى نعم. Donc quant à la volonté juridique, c'est une volonté qui est propre aux obéissances, qui sont propres non, aux obéissances, aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce qu'il veut de ses serviteurs. Pour cela qu'il dit subhanahu wa ta'ala, il veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et Allah veut vous pardonner. Et il veut, et plutôt, et ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous déviez. Allah Azza wa Jal veut être pardonneur vis-à-vis de nous, mais ceux qui suivent leur passion veulent que l'on se dévie comme eux ont été déviés. Donc ici Allah Azza wa Jal, il veut du bien, il veut pour nous la facilité, et il veut nous pardonner. C'est là on parle de l'iradatu al-shar'iyya. Il y a donc deux sortes de volontés. La première qui est universelle, et celle-ci englobe le bien, le mal, les obéissances et la désobéissance, la mécréance et la croyance. Tout ceci est voulu par Allah Azza wa Jal, par sa volonté universelle. Quant à la deuxième volonté qui est la volonté juridique, elle est propre aux obéissances, elle est propre aux actes pieux et elle peut avoir lieu comme elle peut ne pas avoir lieu. La volonté juridique d'Allah Azza wa Jal peut avoir lieu comme elle peut ne pas avoir lieu. Allah Azza wa Jal a voulu par sa volonté juridique que le non-musulman se convertisse. Mais il ne s'est pas converti. Ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu par sa volonté juridique n'a pas eu lieu. Allah Azza wa Jal veut la croyance pour l'ensemble des gens. Mais le croyant a obéi et le mécréant a désobéi. فالإرادة الكونية لا بد من وقوعها أما الإرادة الدينية فقد تقع وقد لا تقع حسب مشيئة الله ورحمته. Donc la volonté universelle, elle a toujours lieu. Et la volonté juridique, elle peut avoir lieu comme elle peut ne pas avoir lieu. Et lorsque la volonté juridique n'a pas lieu, elle a lieu par quelle volonté? Autrement dit, Allah Azza wa Jal, par sa volonté juridique, veut que tout le monde croit. Comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, les musulmans, les croyants ont obéi et les non-musulmans ont désobéi. Donc ici, la volonté juridique a eu lieu concernant les croyants, mais elle n'a pas eu lieu concernant les mécréants. Concernant les mécréants, c'est quelle volonté qui a eu lieu? C'est la volonté universel. Pourquoi? Car Allah Azzawajal a donné à ces non-musulmans le libre choix et le libre arbitre, et leur a permis de choisir le bien et le mal, et de choisir la mécréance et la croyance. Et c'est pour cela, justement, qu'Allah Azzawajal va les juger. Parce que chacun est responsable de ses actes. Comment Allah Azzawajal pourrait-il juger des personnes qui sont télécommandées ou téléguidées? Une personne qui, quoi qu'elle fasse, de toute façon, tout est décrit, il n'y aura que ce qui lui a été prédestiné sans que cette personne n'ait le libre choix. Comment est-ce qu'Allah Azzawajal peut juger une personne qui est dans cet état? C'est pas possible. Pour cela qu'on dit à toute personne qui a des ambiguïtés malgré tout ce que l'on a pu expliquer, celui qui a des ambiguïtés dans le domaine de la prédestination, il doit au moins être persuadé d'une chose, et ça c'est obligatoire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'offense personne. Qu'Allah azza wa jalla est le plus juste des justes. Et que Allah azza wa jalla n'offensera jamais ses serviteurs. Donc aie confiance en Allah azza wa jalla. Si c'est un sujet qui est trop compliqué pour toi, comprends au moins une chose, c'est qu'Allah ne te fera pas tort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te fera pas tort. Et si toi tu penses que tu es téléguidé et que tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce qu'une personne peut avoir le libre arbitre, mais qu'en même temps ce libre arbitre, il dépend de la volonté d'Allah, donc en gros ça veut dire qu'Allah c'est lui qui a voulu. Il y en a qui pensent comme ça. Oui, mais Allah il a voulu par sa volonté universelle. Ça veut dire qu'Allah il te permet de faire le bien et de faire le mal. Ça veut pas dire que tu es téléguidé et que tu n'as pas de libre arbitre. Vous comprenez? Et donc, c'est la différence entre les deux volontés. La volonté universelle a lieu dans tous les cas, et la volonté juridique a lieu comme elle peut ne pas avoir lieu. On actifie bihad al-qadr, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.